J'ai demandé à Morad Kertobi, Marc Bertrand et Janice Nadeau de venir du fond de la salle. Merci beaucoup à tous les trois de venir et je suis persuadé que David, vous en prie, que David, que Cardasso, Nicolas Schmerkin vont pas tarder à arriver. C'est toujours les fins de semaine sont toujours un peu plus compliquées que ça va bien, que les débuts. Donc voilà, je vous rappelle juste, pendant qu'il s'installe, que nous aurons la guide des scénaristes d'ici une petite heure et quart, hein, le temps de, évidemment de notre présentation, et que la guide des scénaristes, nous parlerons avec eux de l'écriture de scénarios, c'est bien joué, de l'écriture de séries télé, ce qui va être un peu pas une première, on l'avait déjà fait ici, mais j'ai rien préparé, donc j'espère que vous allez aussi m'aider par rapport à des questions. On va improviser par rapport à ça. Et ensuite, vers la fin, à 10h45, nous aurons Anne Lenormand de Nef Animation qui va nous parler un peu de la Nef et puis évidemment des résidences, notamment la résidence de Fontevraud. Mais au jeu de la Nef, il y a des résidences un peu partout dans le monde. Donc voilà, un peu dans le monde, j'exagère, mais en tout cas déjà pas un peu en France. C'est le français, c'est toujours que le monde soit la France, non mais c'est un peu, enfin voilà, pardon, donc déjà un peu en France, et ensuite j'aurai le plaisir de vous présenter, un peu comme Mars et Van, il y a des gens qu'on suit comme ça, un film de Marie-Hélène Turcotte, donc canadienne, québécoise, et c'est If ou Le Rouge Perdu, qui est un film qui n'est pas, évidemment les films que je vous montre ici ne sont pas en compétition, ni en hors compétition pendant le festival, donc ça permet de vous montrer certains films. Voilà, Morad, on va commencer avec toi, on va allumer le... Ah bah ouais, tu viens d'arriver, je te fais bosser, qu'est-ce que c'est tu crois réveil, c'est... Voilà. Bonjour à tous. Si je commence par toi, Morad, c'est que c'est en fait, c'est toi un jour qui m'a dit, bah tiens, ça serait bien quand même qu'on travaille sur... On va parler un petit peu, voilà, des rencontres et sur la scénariothèque mise en place. Et je sais que chaque année, on se répète un tout petit peu, alors pas l'année dernière, parce que c'était Valentine Roulet qui était venue, et on n'avait pas parlé vraiment de la scénariothèque, on était parti sur un seul cas de film sur lequel on avait développé, et là j'aimerais que tu nous parles un tout petit peu de ce qu'est la scénariothèque, alors que vous voyez normalement, si la magie de la technique marche, voilà le dossier de Mamie qui arrive sur l'écran. Sinon j'ai le dossier papier en secours. Hein. Et en plus il y a le dossier papier en secours. On peut peut-être le faire passer, non? Ouais, si tu veux, ouais. Il n'est pas trop... C'est bon, ça ne te dérange pas s'il est un peu... Il ne faut pas que les gens le tâchent avec moi. Voilà, faites attention. Faites gaffe, c'est le mec du CNC. Une partie d'entre vous, il y a peut-être affaire à lui pour être produit par la suite. Les empreintes digitales maintenant, donc je... c'est ça, en plus, il pourra savoir exactement qui a fait les bêtises. Alors, la scénariothèque, pourquoi a-t-on envie de mettre en place cette scénariothèque? Oui, bonjour. Donc, moi, j'occupe de gérer le fonds d'aide à la production de films de court-métrage au CNC en France. Et donc c'est en partant du constat qu'il y avait beaucoup de regrets de la part de la commission d'aide de refuser beaucoup de projets, parce que c'est le principe des commissions d'aide sélectives, c'est de recevoir à travers les appels à candidature beaucoup de propositions de films, de projets, et évidemment d'en sélectionner un petit nombre pour les soutenir financièrement pour leur production. Et donc c'est en partant du regret en fait, hein, de la commission sur certains projets de constater qu'il y avait globalement un problème d'aboutissement, de maturité en termes de réflexion et ensuite de travail d'écriture et de proposition de mise en scène, que ce soit en prise de vue réelle, hein, ou en animation sur ces projets. Et que donc ce constat que finalement il y avait beaucoup de projets qui arrivaient peut-être un petit peu trop vite devant la commission, et que ça s'expliquait à la fois par l'enthousiasme, l'énergie, l'impatience des auteurs à vouloir concrétiser très vite leur idée en tête, et deuxièmement que le profil de certains auteurs en fait, qui n'avaient pas forcément un bagage de formation académique, d'expérience et de réseau professionnel qui leur permettait en amont des commissions d'aide de bénéficier de conseils, de critiques constructives et qui leur permettent justement de maturer leur projet. Et donc c'est partant de ce double constat que je me suis dit que c'était bien finalement de développer des actions d'échange d'expérience, de retour d'expérience. je vais pas dire des masterclass, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas de créer dans le cadre de notamment de festivals des rencontres professionnelles où l'idée c'est très concrètement à partir de cas personnels, de cas individuels, de fil d'études de cas, de passer un petit moment à échanger. Alors dans l'idéal, c'est qu'il y a un travail qui soit fait en amont, c'est-à-dire qu'en fait donc les scénarios sont en ligne, donc au préalable on recueille l'accord des auteurs et des producteurs pour autoriser la mise en ligne sur le site du CNC de leur dossier artistique tel qu'il a été présenté et accepté en commission, et donc de faire un exercice en amont en fait et de vous mettre vos spectateurs en fait en posture d'avoir à vous prononcer, mettre un avis, un jugement sur un projet sur papier. Alors donc cette action elle s'adresse en priorité en fait à des jeunes auteurs réalisateurs qui sont évidemment en questionnement sur j'ai envie de faire un film, j'ai une idée, je lance un processus d'écriture, de préparation graphique, etc. Et évidemment c'est pour répondre à tout ce questionnement et parfois aux déceptions lorsque leur projet a été présenté en commission, qu'il a été refusé et qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur projet n'a pas été accepté, parce que c'est évidemment le beau projet du monde, du moment. Donc c'est pour répondre, entamer un dialogue en fait, avec les auteurs déçus ou les futurs auteurs qui n'ont pas encore justement déposé leur projet, et que voilà, on développe cette action un peu préventive d'information, de pédagogie, qu'on leur propose de faire cet exercice qui est vraiment extrêmement à la fois complexe et passionnant. De lire un projet, donc de vous mettre dans la peau d'un lecteur de commission, d'un décideur, d'un financeur, d'un diffuseur, d'un producteur ou d'un comédien, lorsqu'il s'agit de films de prise de vue réelle, et d'avoir à se projeter mentalement sur qu'est-ce que ce bout de papier va donner à l'écran. Alors nous, Morane me dit, on part sur cette base-là, c'est vrai que, après moi je le poste, c'est vrai qu'on part pas tout à fait sur cette même... base de lecture, même évidemment si elle est passionnante, et vous allez voir, et on va le voir en direct, parce que d'abord, il n'y a pas que des gens d'animation, des gens qui découvrent, donc c'est bien aussi de leur montrer, même si c'est pas toujours, énormément, mais c'est bien de faire ce travail-là aussi, parce que je me suis rendu compte une fois qu'il fallait ça, je trouvais ça des fois un petit peu... Il fallait se méfier parce que beaucoup, et notamment de jeunes auteurs, prenaient ces dossiers, comme c'était les dossiers qui étaient les dossiers pris, avaient tendance à vouloir, entre guillemets, copier ce dossier en disant « Ah, ce dossier a été pris au CNC, donc c'est le bon dossier qui a été fait, et donc je vais faire attention à bien reprendre cette base-là », alors qu'en fait, et tu l'as déjà dit à ce micro-là, Morad, évidemment, ce n'est pas un dossier type, et que, c'est... Il faut remplir aussi, et que si on prend Mamie, on verra Périphéria, on aurait pu prendre Une tête disparaît de Franck Dion et Celui qui a deux âmes, Fabrice Guiger. Il y a plusieurs, et chaque dossier représente, et on va leur demander évidemment pourquoi et comment on crée ces dossiers-là aussi, mais représentent des choses quand même assez personnelles. Oui, absolument. Alors, il s'agit d'un outil, donc évidemment, chacun fait ce qu'il veut des outils qu'on leur propose. Alors, on essaie évidemment, au-delà de présenter de manière brute un outil en ligne. Évidemment, il s'agit d'accompagner la manière et l'esprit et la philosophie de cette action de mise à disposition d'un outil pour justement, à l'attention donc de jeunes auteurs réalisateurs, se dire, évidemment, il ne s'agit pas de copier-coller ou de manière très scolaire ou de reproduire, chercher une recette de cuisine en fait, qu'on reproduise à l'identique. Hein. Il s'agit de s'inspirer et de se nourrir de l'expérience de gens un peu plus expérimentés que soi. Et évidemment, ensuite, dans un second temps, de chercher sa propre voix, sa propre singularité, et pour être au plus près et au plus fidèle de ce qu'on souhaite exprimer par son projet. Donc c'est ça la finalité. Alors, je vais juste vous montrer une image. On va pas c'est trop fort. De Mamie, hein, juste un tout petit extrait, juste pour vous aider, parce que vous n'avez pas vu le film. Il passe aujourd'hui, c'est ça, Janice ? Hein, il passe aujourd'hui, donc on va pas. Ça va être. La difficulté, mais on va dire de marcher sur le fil et de ne pas trop raconter quand même l'histoire. Et c'est pour vous donner un tout petit peu Nul Poisson, où elle était le film de Janice Nadeau il y a 2 ans maintenant, qui avait été co-réalisé. C'est la première réalisation complète. Est-ce que toi, le dossier, quand l'ONF, ou quand voilà, on te dit, tiens, il faut voir que tu écrives un dossier maintenant, est-ce que c'est à un moment donné panique? Oh là là, il faut que je fasse une note d'intention, il faut que je parle de mon film, tout est dans ma tête et maintenant je vais devoir le poser sur le papier, ou au contraire, c'est à un moment donné assez libérateur? Vas-y, prends le micro. Ouais. Celui-ci, oui. En fait, est-ce qu'il fonctionne? Ouais. Ouais. Normalement, non, vas-y. Est-ce que le petit truc est vert? Oui, ouais. Ok. C'est moi qui parle tellement plus fort que le micro. Je vais essayer de mettre le son un peu plus fort, non? Ouais, je vais demander à le dé. Voilà, vas-y. En fait, là, on est devant le dossier complet, terminé, mais tout ça, ça se construit vraiment étape par étape. Donc, il n'y a pas un jour où Marc Bertrand m'a dit, Janice, tu dois construire un dossier, tu as 2 semaines. Ça s'est fait vraiment. Au départ, il y avait une idée, on en a discuté. Moi, je l'ai présenté un programme au Québec qui s'appelle c'était Cours écrire ton cours de la SODEC. Puis, c'était un spécial animation, donc c'était un laboratoire de création qui s'échelonnait sur un mois avec lequel, pendant lequel on avait l'aide d'un consultant. Un scénariste chevronné de long métrage qui venait travailler sur notre projet pendant presque un mois, de façon presque quotidienne, en fait. Il y avait vraiment un suivi. Donc, puis, moi, pour pouvoir être sélectionnée dans cet appel de projet-là, en fait, j'avais envoyé, je savais pas, comme je viens de l'illustration, je viens du graphisme, j'avais jamais écrit de scénario, donc j'ai pas envoyé un scénario, j'ai envoyé un genre de. Je ne sais pas ce que c'était, mais en fait, tout était là. La première phrase du film, c'est la première phrase que j'ai écrite, donc il y avait vraiment, ça tenait sur une page, puis toutes les idées étaient là. Puis ensuite, il a fallu travailler pendant quelques années, mais avec quelques dessins, c'est comme ça que j'ai vraiment amorcé le projet, puis peu à peu... la note d'intention et tout ça, ça s'est un peu extrait de toutes ces premières idées-là, en fait, naturellement, je dirais, puis avec la part de mon producteur et tout ça. La note d'attention, et on va demander évidemment à Barry Bertrand après, Morad, c'est les choses les plus compliquées, j'ai l'impression. J'ai moi aussi pu être à des moments donnés lecteur, par exemple, au CNC, et des fois, on a des notes d'attention qui paraissent tellement creuses, parce qu'on a envie de dire des beaux mots, on a envie d'un seul coup de se dire, je vais les épater, et que finalement, on a l'impression de... Sincérité est un mot un peu fort. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué de savoir quelle est la sincérité de la personne, mais on a l'impression de passer complètement à côté. Vous savez, des fois, c'est comme des résumés dans les catalogues d'Annecy, où on revoit le film, on se dit, je comprends pas trop là, le rapport. Et ça, c'est quelque chose de compliqué, la note d'attention. Enfin, c'est... Oui, dans l'idéal, hein, on aimerait pouvoir se passer d'une note d'attention, c'est-à-dire que tout soit puisse s'exprimer dans le scénario et dans le dossier graphique. Donc... Mais parfois, c'est un mal nécessaire parce que ça permet de prendre un petit peu de distance par rapport au développement narratif, parce que c'est un film qui raconte une histoire avec des personnages. Mais ce qu'on attend d'une note, en fait, c'est effectivement de ne pas être redondant par rapport à ce qui se dit dans le scénario, mais plutôt de d'expliquer en deux mots le pourquoi et le comment. C'est-à-dire que combien d'envie de raconter ça, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui rend nécessaire pour l'auteur d'exprimer cette histoire et ce point de vue. Et le comment, ensuite, c'est comment effectivement on propose de mettre en scène le film et de proposer un regard sur cette histoire et montrer qu'elle est singulière. Et même si c'est un thème qui peut être universel, archi déjà traité, mais là, on a affaire à comme si c'était une première fois, et donc ce qui donnera envie, effectivement, de la commission de se dire « Ah, c'est pas du déjà vu », même si l'histoire est un thème vieux comme le monde, là, il y a une première, et c'était le cas d'ailleurs sur le film de la Nice, hein, l'histoire de grand-mère. Il y avait quelque chose, effectivement, qui s'est dit « on n'a pas déjà vu ce genre d'histoire ». Je te coupe, Morad, j'ai demandé, il vient d'arriver, à Nicolas. De venir, oui, on va comme quand David viendra, on peut être là, parce que ça tombe bien, j'ai une question pour les producteurs. Nicolas, je m'appuie le tour de minuit. Merci beaucoup d'être présent. Je les remercie à chaque fois, et vous dites, oh là là, mais c'est parce que, vous savez qu'Annecy devient très compliqué, il y a plein de rendez-vous, Frédéric Détombe n'est pas là malheureusement parce qu'elle est au petit déjeuner de la nef. Nicolas, je le remercie parce qu'il y avait Unifrance en même moment, ça devient un peu... difficile tout ça. Donc, je crois qu'il a pris le petit déjeuner avec François Hollande, c'est ça ? Oui, sous la pluie. Oui, non, c'est François Hollande, on l'aura à la fin de la matinée pour nous expliquer pourquoi il est là. Je vais demander ses films d'animation préférés. On va voir ce que ça va donner. Non, alors, aux producteurs, donc Marc Bertrand, ONF et Nicolas Schmerkin, notre mieux, on va laisser Marc répondre déjà. Est-ce que la note d'attention, c'est l'un des moments les plus complexes ? Le scénario, c'est le développement du film. Souvent, ils ont ça dans la tête. Alors, il faut essayer à le coucher, évidemment, mais la note d'attention est quelque chose de compliqué, je ne dirais pas. Mais un producteur français me disait qu'il écrivait souvent lui-même les notes d'attention de ses auteurs, après avoir, évidemment, beaucoup discuté avec eux, Marc. Ça arrive, bien entendu. Mais je commencerai par une phrase en anglais parce que je trouve que ça résume bien la note et la première impression. Les Anglais disent « You only have one chance to make a first impression ». Vous avez seulement une chance de faire une première impression. Et on lit beaucoup de projets, on en voit beaucoup. Et lorsqu'on arrive sur un projet, c'est votre première chance. Et la deuxième, elle va être un peu teintée de la première, même si elle a été améliorée. On va lire, on va chercher qu'est-ce qui a changé plutôt que de se laisser impressionner par la première impression et par la première lecture lorsque le dossier arrive sur notre bureau pour la première fois. Alors, moi, ce que je dirais, c'est un peu comme j'ai donné des ateliers sur comment faire un bon dossier. Mais ça, c'est une recette. Puis une recette, elle est bonne lorsque vous la faites au moment où vous avez lu la recette, vous fermez le livre de recettes et que là, vous commencez. Vous savez comment faire, mais là, vous appliquez, vous en mettez un peu plus, un peu moins, vous mettez du croustillant, un peu de sucré, une petite touche d'acide. Et là, vous en faites votre recette. Et je pense que c'est ça, il faut arriver à ce parce que nous, ce qu'on demande, c'est justement dans cette première impression d'être juste un peu impressionné. Faut nous donner le goût non seulement de faire le projet, mais aussi de vouloir travailler avec vous. Alors on veut, dans la note d'intention, trouver la personnalité du cinéaste, de l'auteur. On veut que on va passer du temps avec vous, des fois 2-3 ans. En animation, on sait que les parcours sont longs. On veut sentir qu'il y a une ouverture, que le projet n'est pas complètement fermé, qu'il y a une place encore pour le travail. Et je vous dirais que c'est pas quelque chose nécessairement qui se fait tout seul. Alors, vous commencez avec vos intentions, votre recette, mais après ça, vous la faites goûter un petit peu autour, puis vous l'améliorez avant de pouvoir envoyer cette première impression-là à un producteur, à un jury de sélection, parce qu'il y a tous ces éléments-là qui... Puis il y a la note d'intention, bon, on parlera aussi du visuel, mais il faut que vous en faites votre affaire, puis il faut que vous donnez le goût à la personne qui lit, de se rendre jusqu'au bout et de vous trouver là-dedans, de trouver justement « Ah, je connais cette recette, mais Dieu, qu'elle est bien apprêtée et qu'elle est différente de ce que j'ai d'habitude. » Nicolas, quand on a des gens comme... Attention. Je fais une livraison. Voilà, en direct. Merci. Avant que tu bois le café, on va te laisser après, mais juste quand on a des gens, et là je pense à deux derniers, par exemple Antoine de la Charlerie et David Cocardesso, j'ai l'impression, moi quand je les rencontre, qu'ils sont assez timides, enfin, qu'on, c'est pas timide, je sais pas si c'est le terme, mais on sent que des fois il y a des difficultés. Oui, non, c'est. Je parle vraiment en journée, en interview, voilà, c'est. On sent que c'est pas évident, des fois je sais que. Enfin, David Cocardesso, je suis content qu'il vienne ce matin, mais c'est vrai que je l'avais plusieurs fois invité, etc. Moi, j'ai parlé, c'est pas trop mon truc. Comment les faits ont réussi à les lancer sur cette note d'attention qui est quand même très complexe? Alors là, on parle vraiment de la note d'attention. Ouais, la note d'attention. Bah déjà, moi, la note d'attention, elle m'intéresse qu'une fois que le projet m'a attiré visuellement et que le scénario m'a plu et qu'éventuellement, si c'est un premier film, ça me pose des questions sur comment on est. Mais voilà, c'est, moi, enfin, le fait de bosser, d'être attiré par les films d'animation, c'est un truc de. fainéantise ou peu d'imagination, mais moi, j'ai besoin du visuel pour être attiré déjà moi. Si j'ai pas de visuel, je crois que je ne vois pas le scénario. Si j'aime bien l'univers graphique et que j'aime bien le scénario, je vais rencontrer le réalisateur ou tout, mais c'est pas forcément la note d'intention qui va finir de me convaincre. Bah, après, elle peut être rédhibitoire aussi. Là, je parle plus en tant que lecteur dans des commissions, mais il n'y a rien de pire qu'une note d'intention qui n'a rien à voir avec le scénario ou les intentions graphiques. Donc il faut faire très très attention à être déjà le plus sincère possible et puis de. Pas trop prétentieux et puis de vraiment coller à ce qu'on a envie de faire avec le film, pourquoi on a envie de le faire, etc. Et pas essayer de bullshiter le lecteur parce qu'il n'y a rien de pire que de se rendre compte qu'il y a une autre intention qui est juste là pour essayer d'enrober des gens et de la mauvaise manière. Bref, on a produit une soixantaine de films et travaillé entre 30 et 40 réalisateurs sur ces 60 films, je ne sais pas une trentaine. Et ils sont tous différents, il y en a qui n'ont pas envie d'écrire, qui ne savent pas écrire, qui font justement de l'animation, souvent des films expérimentaux, parce qu'ils n'ont pas envie de communiquer ça autrement que par des images et des sons. Et ça m'est arrivé effectivement, moi, mon équipe, de devoir entièrement faire un dossier, c'est pas seulement l'intention, mais c'est que des fois, à partir du storyboard de l'animatique, on écrit le scénario aussi. C'est des fois où c'est rare, mais où les réalisateurs n'écrivent pas une ligne du dossier. Donc, quand on, 60 pages, ça fait du boulot en plus. Et y a des fois où la partie écrite du scénario est assez limite, finalement, comme celle. On va pas je ne sais pas si on a les éléments, mais le dossier est relativement court. Il y a presque plus de choses sur la technique et des recherches graphiques et un test qui accompagne souvent ce genre de projet, à peu près 30 secondes, une minute, et qui sont plus parlant qu'une note d'intention qui serait peut-être même narrative par rapport à un projet abstrait sans personnage, sans scénario, sans voix off, très très graphique. Donc là, les images parlent d'elles-mêmes. Un petit test qui donne l'ambiance et le rendu graphique, et vraiment, c'est ça la note d'intention pour eux. Et à contrario, un projet comme Periferia, où David Cocard reste peut-être, non, je ne suis pas subtil du tout, et je sais qu'il sait très bien parler, c'est pas envie ou devant un public, mais en tout cas, il explique très très bien à l'oral et à l'écrit ce qu'il veut faire et comment il veut le faire. Et en plus, sur ce projet-là, il avait, et c'est une des rares fois qu'on a bossé avec une co-scénariste, en tout cas où il y avait un tandem réalisateur-scénariste, et c'est un des projets plus écrits que qu'on ait jamais produit. En fait. Quand je dis écrit, c'est pas seulement le scénario, mais c'est les intentions qui sont écrites à deux, qui sont limpides, brillantes, très intelligente, et c'est le storyboard, où la scénariste était aussi une sorte de consultante, quoi. C'est l'écriture se faisait de l'intention au scénario, au storyboard, à l'animatique également, la scénariste était présente. L'écriture se faisait aussi au moment d'animer, enfin, la manière dont bougeait un chien, c'était aussi une manière d'écrire le film. Donc l'animation, le chef animateur avait aussi sa part finalement d'écriture, avec les intentions et les instructions de David, mais c'est un film qui avait une très très bonne base d'écriture, qui a été pensé pendant très longtemps. Toute cette phase a duré pratiquement un an et demi, et au final, je pense, se ressemble en film. Et pour un film comme ça, sans humain, sans dialogue, sans voix ou sans rien, qui a l'air un peu abstrait, comme ça, un film de sensation, celui-là est extrêmement réfléchi et écrit. Si, tout à fait, Morad. Est-ce que les commissions sont ouvertes justement au fait de se dire « Ok, ce film-là, il est un peu particulier, on va plutôt regarder la note de réalisation, ce film-là, il est autre, c'est la note graphique, c'est... » Est-ce qu'il y a des fois, on va dire « Allez, c'est pas grave, c'est la note d'intention. » J'étais surpris parce que quand on regarde la note d'intention au tout début, on pourrait dire à chaque fois, il faut en faire beaucoup. La note d'intention de Mamie, elle tient sur, en tout cas, la danse dossier qui est sur la scénariothèque, elle tient en une page, elle tient avec un petit texte au tout début, en fait, du dossier, c'est ça, c'est quelques lignes. Je parle là vraiment de la note d'attention, et après il y a une note de réalisation et d'animation. Comment ça se passe au niveau du CNC? Est-ce que quand toi, parce que toi tu suis les commissions, est-ce que tous les projets ont leur chance, ça soit assez narratif, et surtout, pardon, je reprends, est-ce qu'un dossier peut être différent, et on peut prendre en compte, justement, dire, ah, heureusement qu'il y a 15 pages d'explications techniques pour nous faire comprendre, et puis c'est 30 secondes. Heureusement que par contre, là, il y a un scénario qui est complet. Ouais. Non, mais l'aspect technique est vraiment très secondaire. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les commissions, on a des gens d'horizons très différents, des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un storyboard, pas de caricature, hein, mais les gens doivent avant tout être sensibles en fait, à ce qu'on leur propose en termes de film, tout simplement. Donc c'est là où effectivement on fait converger les différents genres, les différentes techniques de récit, de propositions filmiques, hein, au-delà de... est-ce qu'on on aborde des techniques d'animation, de mise en scène, de représentation du réel ou de direction d'acteur, enfin, voilà, entre la fiction, l'animation, le documentaire, le narratif, le non-narratif, le formel, l'abstrait, le poétique, enfin bref, toutes les possibilités d'expression sont les bienvenues, à condition qu'effectivement qu'elles soient les plus singulières possibles et que ce qui est proposé sur papier reflète le plus fidèlement possible l'intention de l'auteur. Effectivement, comme disait Nicolas, la règle numéro un, c'est la cohérence en fait, entre l'intention et l'aboutissement en termes d'écriture, et évidemment ensuite à l'écran, donc les trois étapes. Et évidemment, tout ça est un parcours complexe et plein d'embûches, mais en tout cas, c'est ça, on va dire, le mot d'ordre et la doctrine dans les commissions. Hein. Il n'y a pas plus à dire qu'effectivement, on attend d'être surpris, touché, ému, parce qu'on a affaire à des gens qui sont des humains et qui raisonnent de manière subjective avec ce qu'ils sont, leur éducation, leur culture, leur vision. Et après, c'est le jeu de la démocratie, entre guillemets, des jurys, parfaites ou imparfaites, mais qui fait que des projets sortent. Et donc, voilà, quand on regarde le résultat, lorsqu'on fait des bilans et des bilans artistiques, moi, je suis quand même assez satisfait, même si on n'est jamais totalement satisfait, mais satisfait qu'il y ait une vraie diversité de propositions artistiques qui sortent des choix de commission. Nicolas, Nicolas, tu voulais réagir. Non, là, si on parle spécifiquement des dossiers pour passer en commission du CNC, ce qui est vraiment un genre en soi, la COSEL et PFR n'ont pas été produits de la même façon. C'est pour ça que quand je disais qu'il y avait une intervention technique, elle était spécifiquement pour la commission des nouvelles technologies en production, un film en relief, avec énormément de travail de développement aussi, de combinaison de choses qui, je pense, ont été rarement utilisées avant. Donc, c'est important d'avoir la technique. C'est vrai que la partie technique était beaucoup plus étoffée que la partie d'intention, qui était peut-être une page. Mais ce n'est pas un film qui est passé en commission sélective, c'est un film qui est mis au programme où on n'a pas justement à passer cette étape de sélection de commission, qui, à mon avis, le film aurait été retoqué en aide sélective. Ça, c'est un... À l'inverse, Periferia est un film qui... c'est le seul film de 2007 qui a passé les filets de sélection et qui est monté en plénière et qui a eu l'aide avant-réalisation, qui s'appelle la contribution financière, l'aide sélective du CNC. Et je pense qu'on l'a tenté aussi parce qu'on voyait qu'il y avait un sujet... mais son traitement et les intentions et que tout était là, en tout cas réuni pour que potentiellement on puisse transmettre ce qu'on avait envie de faire à la commission qui effectivement en général beaucoup, très en partie, grande majorité, quasi totalité, de gens qui ne sont pas forcément familiers avec l'animation, qui effectivement ne savent pas forcément ce qu'est un storyboard, qui pensent même parfois que quand ils voient un storyboard, c'est le look du film. Ils peuvent croire que le film est en noir et blanc et avec des traits très simples et qui pensent que c'est le design du film. Et il nous arrive de faire parfois même des sortes de BD pour les commissions qui ne nous servent à rien ensuite dans l'élaboration du film. Un storyboard, c'est aussi un peu technique. Là, on fait une espèce de mélange entre storyboard et BD pour plus illustrer, donner même faciliter la lecture. C'est-à-dire presque tu peux lire le film en regardant les vignettes et au mieux en bas quelques petites phrases. Et ça donne une idée du film, peut-être même plus qu'en lisant le scénario d'un côté et en voyant le reste du corps de l'autre. Mais c'est un énorme travail, quoi. Et c'est dommage qu'on arrive là. Mais en tout cas, ça a marché sur ce film. Je pense que tu touches à quelque chose d'intéressant, que là, c'est le fait c'est se poser la question à qui on s'adresse finalement. Parce que déposer un dossier à une commission. Il va y avoir des lecteurs qui sont pas nécessairement, qui connaissent pas nécessairement l'animation. Alors, bien entendu, on les emmerde pas avec des notes techniques à plus finir. on garde ça. Tandis que lorsqu'on communique des dossiers entre producteurs, en tout cas nous au Canada avec nos coproducteurs français, on rentre dans quelque chose où il faut commencer déjà à parler un petit peu d'argent, d'échéanciers, ça rentre-tu dans votre planning, dans notre planning, donc on est un petit peu ailleurs, mais ça demeure quand même le projet. Si vous appliquez pour une commission en écriture, par exemple, c'est pas la même chose si vous envoyez un scénario complet. On va dire, bon, on peut pas vraiment aider ou il y a vraiment besoin de beaucoup d'aide. C'est peut-être pas le temps d'aller de ce côté-là. Donc, il faut se poser la question d'emblée à qui on s'adresse et qui va être le lecteur du dossier. Ça, c'est le travail plutôt, tu voulais réagir, mais juste, c'est le travail donc du producteur. Ça, l'auteur, vous le laissez, on va dire, hors de ces contingences-là, et lui dites juste, ben là, il faudrait travailler plutôt ça, sans lui dire forcément, ben là, la commission, ça va être un tel, etc. Vous essayez justement de, entre guillemets, je ne sais pas si les préserver, mais en tout cas, les mettre en dehors de ce... Ben, dans notre cas, c'est sûr qu'on applique, à l'ONF, on a nos propres budgets, donc on n'a pas besoin de déposer pour des commissions, mais lorsqu'on le fait pour les coproducteurs canadiens, par exemple, qui eux autres vont déposer à des commissions, alors on regarde, bon, qui va être le lecteur, ça s'en va au Conseil des arts, ça s'en va à la SODEC, c'est pas les mêmes lecteurs, et on regarde aussi ce qu'ils recherchent. C'est-à-dire que chez nous, le Canada veut pas nécessairement, recherche pas nécessairement la même chose lorsqu'ils octroient des bourses, et que la SODEC ou Téléfilm, eux autres vont plutôt vouloir travailler avec des auteurs, des artistes et des producteurs qui sont derrière ça. Lorsque j'envoie un dossier de coproduction à un coproducteur, effectivement, on commence avec le dossier de l'artiste. Puis après ça, ben, on change des choses, on rajoute des informations, on devient un petit peu plus spécifique par rapport à la production. C'est là pour Mamie, par exemple, ce dossier-là, c'était plutôt la Corinne des Tombes. Les retours, Marc, tu faisais, ou c'était vraiment plutôt Corinne qui disait non, là, pour la commission, il faudrait réussir à faire ça et puis ou à faire ça. Et je demande à David, ouais. Vas-y, David, prends ma place. Arrive. Non, il n'y a pas une chaise en plus, 2, 4, 5, on avait mis. Ah, elle est là-bas, regarde. Je pense qu'il faut le mur, c'est Morad, évidemment, c'est Jean du CNC. Pardon. Il s'installe, ça c'est. Voilà, merci beaucoup, David. C'est bon, tu peux. Yannick, donc, ouais, ça c'était donc en direct avec Corinne Détombe, c'est ça, qui dit genre là il faut que tu fasses plus de recherches ou tiens, on va faire comme ça, comment ça se passe? Oui, mais ça se fait très naturellement. J'ai pas senti qu'il y avait les producteurs qui faisaient des demandes, là, Janice, il faut que tu fasses ça, il faut que tu. C'est vraiment. On se travaille tous ensemble, puis on essaie d'avoir le projet, le présenter le mieux possible, le plus clairement possible aussi. Donc, parfois, c'est moi qui sentais le besoin de retravailler certaines parties. Parfois, ça venait de Marc. Corinne, elle avait un autre regard. Donc, c'est ça, l'équipe de Folimage aussi avait savait que ça s'en allait au CNC. Ouais. Donc, ils avaient des demandes par rapport à ça. Par exemple, je sais que moi, j'avais beaucoup, beaucoup travaillé le scénario dans les laboratoires de scénarisation, mais je n'avais pas beaucoup développé encore le storyboard. Puis ils m'ont dit, ben, au CNC, on a besoin d'avoir du storyboard, donc développe ça. Donc, à l'ONF, ben, ils m'ont aidé, on a mis en place, ils ont même pu aller me chercher un consultant pour m'aider à vraiment bien développer. Mais ça, c'était une chance. je dis le mot consultant, puis je me rends compte que c'est une chance, là, en développement, d'avoir... mais c'est certain qu'à l'ONF, c'est un contexte assez privilégié aussi, de création. Morad, tu voulais réagir? Oui, pour m'inscrire un petit peu en contradiction, en tout cas, nuancer le propos de Nicolas sur l'importance du jugement technique, hein, sur le storyboard. Et finalement, toute la question de l'équilibre entre le jugement sensible et le jugement technique, le jugement subjectif et le jugement, entre guillemets, plus objectif. Et je ferai un parallèle un peu osé avec l'immobilier où, en disant qu'un producteur, c'est presque un promoteur immobilier qui veut vendre une maison ou un appartement sur plan à un futur acquéreur. et de toute la question de comment, lorsqu'on veut acheter une maison, un appartement, quels sont les critères, les paramètres qui entrent en jeu. Donc, il y a évidemment les paramètres objectifs de la situation géographique de, voilà, de la maison d'appartement, de la stabilité du terrain, de la qualité des matériaux, de plein de critères comme ça, très, très techniques et objectifs. Et puis, il y a le ressenti. En fait, est-ce qu'on se sent bien dans le salon? Il y a une bonne exposition à la lumière, etc., ou des ressentis d'énergie, etc. Et tout ça, c'est évidemment pas des éléments qui dépendent vraiment à chaque fois de l'appréciation de chacun et qui rendent extrêmement difficile, hein, et c'est pour ça que je veux nuancer le jugement un peu schématique et caricatural de Nicolas sur les commissions qui ne savent pas lire un storyboard, parce que franchement, on ne demande que des planches, en plus des storyboards très partiels, hein. Il suffit d'une, deux, trois planches pour voir un petit peu l'articulation. Sauf que maintenant, on va filer la métaphore jusqu'au bout. Ouais. Quand on parle de matériaux et qu'on parle de gens qui ne connaissent pas forcément le matériau, qui se disent c'est qu'on lui mette du béton, des parpaings, enfin j'en sais rien, des choses comme ça, qui disent bon. Moi, j'y connais rien, ça n'a pas l'air très solide tout ça de toute façon, et puis le ressenti est bien, mais c'est vrai que c'est un peu. On le sait bien, enfin, on ne va pas se cacher le. En fait, moi, j'ai fait partie de commissions aussi, on sait bien qu'on parle à des gens qui, des fois, en effet, ne comprennent pas du tout l'animation, et rien que le fait déjà, lui, des fois, on se demande si. Non, j'exagère, j'ai caricaturé en disant que ça veut dire des scénarios, mais ils jouent beaucoup sur les acteurs, par exemple. C'est. Oh, encore une fois, je ne dirais pas, mais moi, je me suis retrouvé en disant il y a un tel et un tel, oh, ça va être extraordinaire comme film. Parce qu'ils connaissent ça aussi, et finalement, leur dire, ça va être cette technique, enfin, ils ont du mal. Ouais. Comme disait Nicolas, le fait de voir une animatique, des fois, c'est, ça va être ça, finalement, le film. Ouais, c'est plus compliqué, en fait, c'est pas... Alors, en admettant que le producteur soit le promoteur immobilier, c'est que nous, on n'a pas le loisir, ou la chance, ou la capacité de faire venir les gens visiter la maison. Il faut amener des bouts de maison à une table, avec des gens qui ont plein d'autres bouts de maison à lire et à juger, avec un petit bout de tissu, un bout de carrelage, un bout de moquette, et que idéalement, pour qu'ils se sentent au mieux pour juger cette maison, il faut vraiment les finir le film, en fait. Et en fait, quand on fait un dossier, on a parfois l'impression d'avoir plus bossé que la fabrication du film lui-même, pour arriver à montrer. Enfin, c'est un travail titanesque, en tout cas, en animation. Quand je parle des commissions, c'est une caricature, mais on l'a remarqué quand même, ça fait maintenant 15 ans, on l'a remarqué beaucoup de fois, pas que le CNC, ne serait-ce que pour Periferia, on le passe plusieurs commissions. Là, il est passé en commission Aquitaine pour l'aide régionale avec le co-producteur Studio Chemie. Et en fait, au premier tour, au lecteur, on n'est pas passé. Il y a eu 10 projets, c'était 10 films de fiction. Et les retours, c'est ils ont bien aimé, mais ils n'ont pas trop compris l'histoire. Waouh, je regarde la fiche, et là, je caricature pas, il n'y avait que des gens de la FEMIS. Il n'y avait pas une personne qui venait du milieu de l'animation. Nous, on se dit waouh, les gars de la région, ils nous demandent ils nous disent on veut aider plus d'animation, etc. Ils n'ont pas foutu de faire une commission où il y a une personne qui peut lire le dossier et qui peut expliquer éventuellement aux autres comment ça marche. Surtout, c'est une commission qui, après, une fois que tu passes. Le premier tour, tu peux venir défendre le projet à l'oral, et là, ça c'est quelque chose où nous on se sent plus à l'aise parce qu'on peut montrer des images, etc. Et quand on a vu qu'on s'était fait bananer, pas pour des bonnes raisons, on était prêt à presque pour la première fois dire vous pouvez pas tenir ce genre de discours, dire que vous allez aider l'animation et pas donner les chances au projet de venir au moins défendre. Il se trouve qu'il y a un des 10 projets qui devait avoir postulé dans une autre région, parce que généralement c'est ce qu'il fait, qui a été pris dans une autre région, une place est libérée, du coup, pof, on est remonté. On a pu aller défendre le film à l'oral avec David, et le film est passé. Et il fait partie des 3 films aidés de la commission, alors qu'au départ, on partait de 0 vraiment. Et quand on a pu arriver en montrant un test, en expliquant que le film est en couleur, enfin en tout cas, il n'est pas en noir, il faut prendre une planche de recherche, de storyboard, etc. etc. Et les gens, vraiment, ils découvraient tout quand on leur raconte. Et c'est quand même compliqué dans ce genre de situation. Non, mais pour aller dans le sens de Nicolas, hein, bien sûr que. Tout le monde doit aller dans sa porte. C'est vrai qu'il y a très effectivement une sur-représentation du jugement sur les personnages, sur la narration, en général, dans tous les projets de films, parce qu'on se raccroche à ça. Et donc, c'était le cas sur le film, hein, pour recentrer sur, sur les deux films dont on est juste ce matin. Il y a vraiment eu la question hein, sur le film de Janis. Alors évidemment, il a été aidé, donc il y a eu majoritairement des avis positifs. Voilà, mais dans ce qui était dans la nuance ou la réserve ou la critique négative, c'est effectivement la question du rapport au personnage de cette grand-mère et de la distance que l'auteur pouvait mettre avec elle et comment on pouvait être en empathie avec elle, qu'est-ce qui motivait finalement ce comportement de personnage vis-à-vis de ses petits-enfants. Comme on n'a pas parlé encore un peu de mamie, on va en parler, on va revenir sur ça parce qu'évidemment c'est passionnant. Juste une petite parenthèse pour finir, promis. Mais c'est intéressant sur les dossiers, mais je ne vois pas Gilles n'est pas arrivé encore, ce qui est normal, ce que je peux comprendre, pardon. Gilles Cuvelier donc, me parlait par rapport à Noranim et disait il trouvait que les dossiers d'animation devaient en faire beaucoup plus que les dossiers de prise de vue réelle et qu'on leur demandait, qu'on vous demandait finalement des dossiers encore plus justement d'illustration, encore plus de... Alors que souvent les dossiers de prise de vue réelle, c'est le scénario, une petite note d'intention quand même évidemment, et sans plus, alors que là c'est vrai quand on regarde aussi bien le dossier de Mamie de Periferia et ceux sur la scénarothèque, on a, comme tu disais Nicolas, l'obligation de faire énormément de dessins. Franck Jones faisait la même chose ici en disant je fais des dessins, je leur montre bien ensuite, ça vient de là, etc., pour bien leur expliquer, être beaucoup plus didactique finalement. C'est pas forcément, il y a l'obligation de fournir certains éléments, mais après il y a l'obligation, il y a les producteurs et réalisateurs qui se donnent l'obligation de faire plus. Parce que c'est beaucoup plus difficile de convaincre, on sait, les gens de la commission. Donc c'est pas seulement l'obligation effectivement de fournir quelques éléments, mais c'est-à-dire que moins on en fait, moins on a de chance que le projet passe. Donc au final, effectivement, pour caricaturer, là je vais être vraiment très très provoque, mais on peut écrire un scénario en une journée sur un café, en un table, en un CNC, et on l'a déjà fait. Et pour un film d'anime, c'est un vrai boulot. Il y a un peu de ça quand même, c'est pas pour... Enfin, tu viens ici, on n'est pas là pour évidemment mettre en contre, et encore une fois, je veux dire, à chaque fois qu'on fait cette rencontre-là, on dit bien à chaque fois quand même, heureusement, qu'on a le CNC, enfin voilà, en France, on a quand même de la chance, donc l'idée n'est pas... Mais c'est vrai que les commissions, on parle vraiment là, d'un seul coup, de la difficulté, de toute façon, hein, évidemment, de faire des commissions, qui, on voit une image et n'arrive pas forcément, encore une fois, à se projeter dans une image et se dire, ah... Ok, là, ça va peut-être donner ça. Encore une fois, j'appelle à juger de ce qu'on voit au festival, de ce qu'on voit, de ce qui se produit. Parce que je veux bien, effectivement, avoir le maximum de critiques constructives, si possible. Mais moi, je défends, effectivement, que les commissions font globalement bien leur boulot. D'accord. Alors, évidemment, quand il y a la frustration de gens qui ne sont pas aidés, voilà. Mais de ce qui se fait, de ce qui est aidé, il y a des projets extrêmement ambitieux, originaux, pas forcément narratifs, où on explique tout de A à Z, et que... Moi, c'est vraiment pour ça que je suis là aussi, pour pas uniquement dire que tout va bien, mais en tout cas de nuancer des critiques de gens qui, effectivement, n'ont pas eu de projet soutenu. Donc, techniquement, tu peux envoyer oui, mais ce que je veux surtout dire, c'est qu'il faut vraiment être conscient de l'équilibre qu'il y a entre la partie technique et la partie artistique, hein, de proposition, de narrative. De ce qu'on raconte, en fait, tout simplement, de ce qu'on exprime, si c'est pas forcément quelque chose de narratif et de linéaire, mais qu'en tout cas, qu'est-ce qu'on raconte, quel est le propos, quel est le point de vue, comment est-ce qu'on souhaite, entre ce qu'on veut raconter du personnage et de comment on veut le communiquer à son lecteur, qu'est-ce qui se passe, c'est toute cette difficulté. On va y venir, ouais. Là je parlais de Noranim, on parlait pas du CNC. Comme quoi l'accusation n'est pas sur... quelque chose, c'est juste dire que les commissions, on parlait d'Aquitaine, donc on parlait pas évidemment de choses, c'est juste de voir des fois la difficulté, qui est sûrement pas que d'ailleurs dans les commissions, mais d'appréhender l'animation. On parlera ici même, il y aura un débat critique samedi matin, il y aura un débat sur comment on récompense un film, on va voir, il y a le prix André Martin qui va être donné, tout le jury du prix André Martin sera là, comment on parle d'un film et comment on dit, tiens, moi je veux défendre ce film-là et comment je vais lui donner, et c'est peut-être les mots aussi qu'on a pour parler d'animation qui sont complexes. On ne s'abrite pas que derrière l'aspect technique pour justifier qu'un projet soit ressenti comme intéressant ou pas. Bien sûr que ça compte, la technique, mais il n'y a pas que ça. Juste pour... Et je dirais, pour défendre, mais Nicolette disait bien que ça dépendait aussi des projets. Avec Periferia, par exemple, c'est pas que l'aspect technique, on avait beaucoup développé justement le scénario et cette idée-là, alors que Gossel, au contraire, avait été plus, et selon en plus la commission, pour nuancer un peu tout ça. C'était pas une attaque contre le CNC, c'est le même scénario qui a, la première fois, 2-3 ans après, les notes du comité de lecture qui sont. Super. C'est le même dossier qui était présenté à la Quitaine. Oui. Donc. Et qui n'est même pas passé en plénière, sauf qu'après le projet, s'est dit existé, on est passé par hasard, et on a pu défendre la loi, etc. Donc, ça dépend énormément des conditions aussi de qui tu es. Bien sûr, bien sûr. Allez, revenons maintenant donc à l'écriture même, et en effet, comment on passe ces idées. Toi, David, on va te laisser comme ça pour parler. Je demandais tout à l'heure à Janice. Alors, Nicolas nous expliquait qu'il y avait Patria Valex, enfin, évidemment, tu avais travaillé avec ta co-scénariste. Le fait d'écrire un dossier, c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants à chaque fois dans la salle, en tout cas de jeunes réalisateurs et qui vont se lancer. C'est quelque chose qui est compliqué, qui est au contraire à un moment donné de libération, comme je demandais, c'est-à-dire de se dire, allez, ça y est, je vais pouvoir enfin tout ce que j'ai dans ma tête, les mettre en mots et en images. Ou comment ça se passe au moment du dossier? C'est-à-dire le moment où on se met à écrire, ouais, véritablement, ouais. Je suppose que, à vrai dire, moi j'aborde toujours ça comme un film, plus comme un film, comme un film d'animation, et de fait, j'ai toujours des envies graphiques à la base, donc tout part évidemment d'envies graphiques. Et mais après, sur les conseils de ma scénariste aussi, il est bon aussi de mettre vraiment tout ça vraiment de côté et de se pencher vraiment sur l'écriture. Et c'est vrai que généralement, les gens sont plutôt assez stupéfaits, même pratiquement, de voir que finalement le projet est vraiment est très écrit, même si finalement, la plupart des plans, il y a juste des chiens qui déambulent dans du béton. Et, bon. Mais à vrai dire, il y a un gros travail d'écriture. Et j'en parlais justement avec Antoine de la Charlerie qui a fait Gossel et qui me disait justement que lui, a priori, il ne voyait pas ce qu'il pouvait écrire sur son film. Et moi, pour le coup, je lui ai dit que si, on pouvait écrire et très précisément chaque scène du film, puisque de toute façon, il les a pensées, donc forcément, c'est qu'elles ont une raison d'être. Voilà. Là, on voit la première page du scénario donc de Periferia. C'est beaucoup de descriptions. Hein? Elle est très belle. elle est surtout, en fait, évidemment, il n'y a pas de dialogue, ce qui des fois peut aider aussi un scénario. Par contre, on a beaucoup de descriptions, évidemment, de ce qui va se passer à l'image. C'était important vraiment de tout mettre, en tout cas d'en mettre le plus possible pour que les gens puissent se projeter dedans. Oui, parce que tout comme le storyboard, en fait, apparemment, pour ce film-là, précisément, c'est que c'est un film très contemplatif et de fait. Il faut vraiment arriver à faire passer le message très vite sur le storyboard, donc en travaillant énormément, mine de rien, le storyboard, c'est pas un storyboard technique, finalement, on a beaucoup de l'intention du film, on a pratiquement le film, d'ailleurs, en nombre en lumière, et c'est la même chose pour le scénario, il fallait vraiment être très précis, parce que sinon, ça allait vite se résumer à un chien est ici, puis deux chiens sont là, puis trois chiens, puis plus de chiens, puis enfin, Donc il était intéressant. Et puis, de toute façon, on l'aborde aussi comme une histoire, parce que de toute façon, le lecteur du scénario veut aussi qu'on lui raconte une histoire, je suppose. Donc c'est important d'avoir toutes les étapes du film et puis de pouvoir même pouvoir présumer ou présager du climax du film, des moments forts, des moments plus doux, et puis même essayer de faire passer aussi certains temps morts, certaines longueurs latentes. Alors tout passe par la compilation, par l'écriture, encore une fois, ma co-scénariste pour ça est assez balayée. Morane. Oui, j'avais une question en fait. Quand et comment s'est passée l'intervention de Patricia Valex? Votre rencontre, comment tout ça a été provoqué? Alors ma rencontre, moi, je l'ai connue sur mon premier film, Vendée. C'est Laurent Poupard et la Poudrière. J'avais fait ce film-là à la résidence sur l'image, donc qui a été en connivence avec la Poudrière, donc sur l'image. Et qui m'avait présenté Patricia, parce qu'il y avait un petit travail de réécriture voilà, à faire. Et dans ce genre de projet, à vrai dire, des fois, moi-même, je fais les plans se succéder à d'autres plans, et au final, des fois, il arrive que le message ne passe pas forcément. Donc, c'est aussi pour ça que l'écriture arrive et permet aussi de mettre des mots sur des situations plus précises que d'autres et qui puissent se raconter une histoire, enfin. Et je l'ai connu comme ça. Et en fait, de la même façon que sur mon premier film, j'arrive de toute façon avec déjà une trame, une bonne intention et des recherches graphiques. Et elle s'immisce progressivement dans le projet. Voilà, et puis on le décortique et puis on tente de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Il y avait déjà Nicolas sur le... Et après, je te laisse là-bas. Il y avait déjà Nicolas sur le projet ou il n'était pas encore présent? Il y avait déjà la production, non, pour l'instant? Non, j'ai rencontré Nicolas... Après avoir déposé le projet ici au concours projet, voilà, et Nicolas qui devait avoir eu vente du projet, je suppose, avait envoyé quelqu'un de sa production pour justement voir si le projet était viable. Du coup, j'ai pitché au MIFA et puis on s'est rencontrés par la suite. Voilà. Juste avant de laisser la parole à Marc, juste comment on pitch un projet comme ça. C'est quoi, on se dit, je rencontre un producteur ou là je vais pitcher devant des gens à Annecy, je commence par l'histoire, je commence par des images. Comment on met en avant son film quand on va rencontrer des éventuels acheteurs? De toute façon, les pitchs se passent, on a deux écrans géants derrière et qui passent en direct notre PDF. Donc au final, j'ai un petit chemin de fer, quoi, et puis. Je pars des grandes lignes et puis j'essaie d'illustrer mes propos avec des images qui passent dans mon dos. Donc de façon assez simple. Et j'avais aussi. Non, j'ai pas passé un extrêmement premier film, même si au final j'aurais vu, parce qu'il y a des. Encore une fois, il y a des corrélations, même si c'est bien évidemment différent. Mais c'est, puis j'avais aussi quelques coups de storyboard, encore une fois, qui illustrent plutôt assez en détail le déroulement du film, donc ce qui permettait aussi d'avoir un petit d'avoir le film dans ses grandes lignes. Voilà. Marc, tu voulais réagir? Oui, je voulais juste dire que il y a quelque chose qui est très insidieux dans tous les commissions, les concours, c'est-à-dire que immanquablement déposer des dossiers, c'est une compétition. Et pourtant, de créer, d'avoir des projets de création, c'est pas un sport de compétition. C'est de vouloir voir son œuvre aider financièrement, aider par un producteur et aider. Et il y a quelque chose là-dedans qui est toujours un petit peu, on est toujours pris pour vouloir gagner notre pari en disant, bon ben moi, il va avoir 100 projets, il va en avoir 10 qui vont être... financé, donc il faut que je gagne. Et je pense que lorsqu'on pense comme ça, on perd d'avance. On est perdant, on part perdant. Parce que ce que les lecteurs, je parle de moi comme lecteur et non comme membre du jury, parce que j'ai participé à des jurys souvent, mais comme lecteur, je veux une idée claire du projet. Je veux voir, je veux comprendre, je veux pouvoir ressentir ce que je vais ressentir. Et la minute qu'il y a des anecdotes qui ne sont pas liées au projet, la minute qu'il y a des images, la minute qu'il y a des notes, des fausses notes dans le projet, on vient habituer, hein, on en lit beaucoup, on le sait, on le sent, et tout d'un coup, on se rend compte que c'est du remplissage, qu'on veut bien paraître, on veut... Et il faut faire attention parce que là, on sent qu'il y a quelqu'un qui joue à la compétition et qui, somme toute, est en train de brouiller l'image claire. Et si vous n'avez pas une image claire de votre projet, parce que bon, c'est sûr qu'il y a... donnez seulement ce que vous savez, seulement ce que vous ressentez, ça va pouvoir changer, mais tout ce qui est vrai fonctionne bien. Ce qui est plutôt des choses où on essaye de plaire, ça, habituellement, c'est pas ça qui est ressenti, c'est pas ça qui fonctionne. Moi, je voulais juste dire que c'est un peu à double tranchant, en effet, parce que des fois, quand on se met à s'auto-analyser, c'est avec le risque de perdre d'un processus qu'on maîtrise pas forcément, qui est que, et ça va. Que ça ne va pas louper, tu risques de me parler de pourquoi c'est chiant peut-être. Et c'est aussi intéressant de voir qu'il y a aussi une part de parce que c'est comme ça. Voilà, parce que j'avais envie de faire, parce que c'est. Et du coup, il faut des fois par contre essayer de faire un peu partir à rebours et puis d'essayer d'expliquer finalement, de s'expliquer à soi-même déjà, pourquoi ce sujet. Alors que c'est des projets qui finalement sont en gestation depuis des années. Moi, Périphéria, je l'ai écrit à la sortie de Vendée, c'était en 2008. Bon, il y a le temps que je me dise, bon, allons-y, faisons-le. Il s'est passé du temps et du coup, pendant ce temps-là, de toute façon, le projet a mûri dans ma tête. J'ai jeté des trucs, j'ai repris des trucs. Et il faut finalement faire un travail sur soi pour essayer des fois de savoir, mais pour quelle raison finalement je fais ce film. Janice, c'est intéressant parce qu'évidemment, ça, c'est une histoire qui est personnelle. Et l'histoire de ta grand-mère, hein, grand-mère qui n'aime pas trop ses petits-enfants, on va dire, et qui voilà, se pose la question pourquoi. Je vous laisserai encore une fois découvrir plutôt le film hein, directement. Mais c'est des choses qu'on se pose tout le temps. On est obligé d'être tout le temps en train de se dire bon, pourquoi je veux dire. Et seul, finalement, même si on a des producteurs, on a des scénaristes qui nous aident, toujours se dire ok, pourquoi je fais ce film-là. Je raconte toujours la même anecdote, mais qui est voilà, Coppola ou Fellini qui souvent mettait une phrase avant de commencer un film en disant. Et essayer de revenir toujours à cette phrase-là pour ne pas perdre le fil à un moment donné, quitte à ce qu'elle change de temps à autre, mais voilà, toujours revenir, en tout cas une idée. Toi, ça a été pourquoi tu voulais parler finalement de cette histoire. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, les raisons étaient très claires. En fait, c'est ça, il y a toujours une phrase qui revenait. Je me demandais, c'était très sincère, en fait. Je me suis toujours demandé pourquoi... ma grand-mère ne s'intéressait pas à moi ou à ses autres petits-enfants. Puis, donc, ça, c'était. Comme c'était un projet personnel, les raisons étaient très proches de moi. Donc, pour moi, c'était évident de la raison pour laquelle je faisais le film. Après, c'est certain que. En fait, le film répondait à cette curiosité-là. Donc, puis après ça, j'ai brodé autour. Il y a de la fiction et tout. Mais c'est certain que. Quand on travaille sur le projet de film, on peut s'éloigner un peu de cette idée de base. Puis je pense que oui, c'est intéressant d'y revenir, de se rappeler pourquoi c'était si important au départ. Puis ça aide, je trouve, je sais que justement, il y a plusieurs réalisateurs comme ça qui vont jusqu'à déterminer la couleur des vêtements, les accessoires, toujours en revenant à cette première idée-là. Pour justifier beaucoup de choix. Par exemple, la présence. Moi, c'est une histoire sur une transmission qui n'a jamais eu lieu. C'est des liens brisés. Donc, je me suis beaucoup questionnée par rapport à est-ce que les deux personnages devaient être visibles ensemble à l'écran alors que la relation n'existe pas. Donc, de revenir toujours à... Finalement, ça a justifié, c'est ça, de... On voit tout le long du film les deux personnages qui cohabitent l'espace, mais qui ne se voient pas, en fait. C'est ce qui est un peu le truc là, dans les retours. Enfin, il y a des choses, pardon, dans les retours du CNC qu'on voit. Il y a des points positifs, belles images, beaux graphismes, projet touchant, sensible, sobre. Et puis la relation entre la grand-mère et ses enfants pour être retravaillée. L'expropriation n'est pas non plus très explicite. C'est terrible. Mais là, une fois que le film est financé et tout, il y a des gens qui parlent. Une fois que le film est financé, c'est moins dur de lire ça. Une fois que le film est complété, mais j'imagine. Moi, il y avait aussi ça. En fait, c'est Corinne qui a reçu Corinne Détombe qui a reçu les commentaires. Puis elle a agi, elle a filtré les commentaires pour moi. Donc ça, c'est important. Oui, j'imagine. Je sais pas. C'est pas la première fois que Corinne fait ça. Elle expliquait, je crois, pour Jean-Charles Mbouti Malolo, où en effet, elle n'avait pas tout dit. Ben non. Et elle dit juste des petites choses comme ça sur. Oui, ben, en fait, elle a transformé ça en commentaire. Elle a fait un travail de productrice. Elle s'est dit. Voici les réserves, comment je peux apporter ces réserves-là à Janice pour que ça lui soit le plus utile possible. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis en fait, je ne me souviens plus exactement à quel moment on a reçu ces réserves-là, puis quand est-ce qu'on a redéposé. Mais je sais que moi, ça m'a été très utile pour travailler le personnage. Avant de repasser la parole à moi par rapport à ça, non, Janice Garde, le micro juste. On a trois films, on a plusieurs films dans la sélection. Il y a Spoon, il y a le dernier film de Tom Schroeder, des choses qui parlent de choses finalement très personnelles. Comment, ça c'est vraiment au niveau de l'écriture, comment on fait l'équilibre entre, comme tu disais, la fiction et se dire, ok, je rajoute quelque chose qui n'est pas ma vie, qui n'est pas en face que j'ai vécu, mais c'est important peut-être aussi pour être plus pas légère, mais en tout cas essayer d'aller vers autre chose. Comment on travaille ça, cet équilibre, c'est une question difficile, mais... Pour construire Mamie, c'est une histoire qui n'est pas vraiment ancrée dans une temporalité précise. C'est-à-dire que je l'ai construit à partir de souvenirs qui remontaient comme ça à la surface. Vous savez, quand on est enfant, souvent les parents, pour nous rassurer, ils vont un peu gommer la réalité, ils vont mettre beaucoup d'images dans dans la façon dont ils nous racontent les choses. Puis moi, j'ai grandi avec ces souvenirs-là, puis je les ai mis en scène sans nécessairement les confronter à la réalité. Donc ça me permettait déjà d'avoir des éléments narratifs qui étaient déjà en soi, qui s'inspiraient d'une certaine réalité, mais pas la vraie réalité. Donc déjà, ça faisait basculer mes souvenirs dans une certaine fiction. Puis c'est comme ça que je les ai construits, que j'ai construit l'histoire, que je l'ai fabriquée sans nécessairement que ce soit des souvenirs réels et d'autres souvenirs fictifs. Il n'y a pas ce clivage-là entre les souvenirs. C'est vraiment... tout ça, ça se promène comme les souvenirs. Quand on repense à certaines personnes, à nos souvenirs, c'est pas toujours de façon très, très calée dans le temps. Ça se mélange, mais c'est comme ça. Il n'y a pas non plus au niveau plastique, au niveau formel, j'ai pas non plus marqué les retours dans le temps avec des teintes sépia. Attention, ceci est une image du passé. On est dans le passé de mamie. Non. Puis au son, à la musique, on a travaillé de la même façon, en fait. Il y a cette... Donc tout ça, c'est à la fois homogène et hétérogène. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Non, mais juste, de toute façon, la question est difficile. Nicolas Schmerkin va devoir partir bientôt. Si vous avez une question, je vais vous laisser la parole dans deux minutes. Je voulais juste savoir mon rad et peut-être même derrière une réaction. On est bien d'accord que, parce que là, je vois dans le dossier, pardon, et dans les retours, il y a bien marqué, par exemple, la relation entre la grand-mère et ses petits-enfants pourrait être travaillée. Donc, c'est des indications en disant, voilà ce que la commission a pensé. Et je sais que certaines personnes vont dire, des fois, on retravaille ce que exactement dit le CNC, des fois, on prend deux points, puis on ne reprend pas, ce qui ne veut pas dire que le dossier, évidemment, ce n'est pas une obligation de reprendre tous les points et de retravailler tout, c'est plus une... Voilà, ça serait... Oui, absolument, c'est vraiment l'idée de... Et c'est aussi une manière aussi de juger de la solidité aussi de la démarche du réalisateur, de savoir si ça va être... Là aussi, pour schématiser une autruche ou un hérisson qui va se crisper ou une éponge qui va écouter tout ce qu'on lui dit et qui finalement on va sentir qu'il n'y a pas de colonne vertébrale et direction artistique et qui va écouter tout ce qu'on dit et qui va à chaque fois, au fil de l'eau, au gré des avis des uns et des autres, changer son projet. Donc, dans un sens comme dans l'autre, c'est pas bon de ne pas écouter du tout, d'être têtu. Trop têtu en tout cas, et sourd, et dans le sens de tout écouter et finalement de complètement dénaturer le projet de départ. Donc entre les deux, évidemment, là aussi, on trouve un équilibre. Et effectivement, l'avis des commissions n'est qu'un avis, n'engage qu'elle. Et on sait, voilà, on est complètement conscient que c'est subjectif et que donc il y a aussi une humilité des membres de commission de dire on n'est pas les juges souverains qui détenons la vérité suprême. Mais on exprime ce qu'on a ressenti, on le retourne aux auteurs et aux producteurs, faites-en ce que vous voulez, mais surtout répondez à... C'est vrai que je disais que c'est un dialogue, c'est répondez à ce qu'on a émis comme avis, comme critique positive et négative, et répondez-nous, alors, soit dans la note d'intention, pour dire on décide de ne pas toucher une virgule au scénario parce qu'on pense qu'on s'est soit mal exprimé, soit vous n'avez pas forcément bien perçu dans notre dossier artistique et technique ce qu'on souhaitait faire. Mais qu'en tout cas, on engage un dialogue et on a envie qu'il y ait comme une partie de ping-pong, que ça réponde. Et qu'ensuite, à la relecture du projet, donc soit du scénario, soit d'un intention, quelque chose a évolué et qu'on avance un petit peu ce dialogue et qu'ensuite, évidemment, les dés soient jetés et que la commission décide de retenir ou pas le projet. Mais on ne force pas à réécrire absolument dans le sens de ce que peut dire la commission. Mais c'est ça qui peut vraiment nourrir, on espère, un avis constructif aux auteurs. Nicolas, toi, par rapport à tout ça, non, puis même par rapport au fait, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Craig des Tombes, qui finalement ne dit pas tout, et qui prend un peu sur soi en disant « bon, je ne vais pas dire ça à l'auteur ». Ah, tu ne dis pas tout à l'auteur. Ouais, comment ça se passe par rapport au retour des... Par rapport autour des commissions, des choses comme ça, comment ça se passe? Oui, non, on ne dit pas forcément tout. Ouais. On dit, je pense que le producteur va avoir son avis très fort, qui peux être ou pas conforté par, par peut-être d'autres avis, parce qu'il n'y a pas que le CNC qui donne un avis hein, dans le processus du film. Il y a, ça peut être à la fois l'équipe plus générale de production, le chef animateur, ça peut être la chaîne de télé, ça peut être. Faut savoir faire la part des choses. Juste une anecdote, j'ai beaucoup travaillé avec un producteur de Londres qui faisait du film très très à réessai, très très, très spé, on va dire, fiction, et qui organisait en fin de montage des séances de, un peu comme des sneak previews, sauf qu'au lieu d'avoir un groupe d'adolescents comme possible, comme aux États-Unis peuvent le faire, c'était un réalisateur, un auteur, un directeur de festival, à réessai, des gens un peu voilà. Réalisateur et ils donnaient leurs avis sur le montage et ils pouvaient faire ça plusieurs fois comme ça dans les phases successives de montage. Sauf qu'au final, je voyais bien qu'en fait, il n'y avait plus que les avis de cette espèce de groupe de travail qui le faisait aller le conforter dans son sens et s'en servait pour aller. Là, je pense que pour moi, je pense que le producteur doit avoir déjà un avis relativement sûr et personnel et qu'il faut qu'il le communique dès le départ au. Aux réalisateurs pour qu'ils avancent ensemble, sinon on va droit dans le mur. Mais oui, effectivement, on va, surtout quand c'est des choses qu'on considère être des inepties, on est tenu de ne pas tout dire. Parce que justement, parfois, si on peut avoir des avis contradictoires, on a d'une même commission, après, je ne parle pas forcément que du 7C, mais d'un même groupe qui a eu en même temps le même projet, on peut avoir des avis complètement contradictoires. Au bout du compte, on dit, mais s'il fallait écouter. Tous les avis, je pense qu'il y a beaucoup de films qui ne seraient pas. Et à contrario, le quelques films qui nous arrivaient de ne pas mener au bout, d'abandonner en cours de route, au moment de la production, qui est des films qui, moi, au départ, m'ont attiré par le graphisme ou par le concept ou quoi, mais peut-être où le scénario n'était pas encore abouti, justement, il fallait faire ce travail à la fois d'écriture et à la fois d'aller chercher des financements, donc il nous fallait de toute façon ce scénario, un dossier complet. Les quelques films qui se sont au final jamais faits, c'est parce que soit les réalisateurs ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient, n'étaient pas sûrs d'eux, et du coup, à chaque fois qu'il y avait un avis, ben, je voyais le projet complètement changé, je devais leur dire, au départ, c'est pas ça, quoi. Et voilà, les films girouettes qui passaient de tout autour, en écoutant chaque avis, et je pense que ça, c'est pas bon, et de toute façon, c'est quelque chose qui, au final, on va droit dans le mur. Et à l'autre bout du spectre, des gens trop rigides. Qui ne veulent écouter ni le producteur, ni les commissaires, personne, et au final, on ne peut pas faire le film. Donc je pense qu'il faut se situer dans un entre-deux où il faut écouter, savoir faire le tri et écouter les bonnes personnes, peut-être, mais et en tout cas s'associer dès le départ aux personnes avec qui dont on a envie, dont on est prêt à écouter la vie. Donc nous, quand on travaille par exemple sur Periferia avec Hélène Bessière, qui est assez pas interventionniste, mais en tout cas, parce qu'il y a des chaînes qui. Voilà, les scénarios qui disent bon, c'est bien, on y va, et d'autres qui vraiment dans le détail, à la fois dans le contenu, mais même dans la manière de présenter les choses dans le texte, nous donnent leur avis, souvent très intéressant. À nous de voir, c'est souvent des fois juste pour un problème et à nous de trouver la solution, des fois des gens qui nous proposent aussi des solutions, mais c'est juste savoir écouter les bonnes personnes, et voilà, si c'est des gens avec qui on bosse depuis des années, on sait comment ils fonctionnent, et voilà. C'est terrible ces rencontres-là parce que plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, évidemment, il nous faudrait 8 heures pour tout raconter. C'est un peu frustrant de se dire ah oui, il y a ça aussi. C'est quelque chose d'intéressant aussi par rapport à Hélène Bessière. Elle est connue pour Stabilo Bossé. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et comment en effet, d'un seul coup, se dire ok, ça je prends, ça je prends pas. Ouais, David, par exemple, toi tu as eu un retour, tu as eu ton scénario. Changer dans tous les coins Non, j'ai pas eu de. Enfin, je. Il a tout enlevé en fait. C'est vrai que moi, j'ai connu un réalisateur qui s'est vu attaquer sa 40e version suite à la réécriture complète et totale de Hélène Bessière. Donc, vraiment, il y a une copie de. avec des annotations, en fait, c'est une note à la fin, mais c'était assez particulier. Mais bon, en fait, moi, je crois pas avoir eu trop de retours. Du moins, s'il l'était, c'était très concis. Il y a un OK, même pas de point, rien. Donc, OK pour moi, voilà. Donc, je crois, encore une fois, je crois que Non, mais elle était présente à toutes les étapes. C'est vrai que peut-être elle a laissé un peu plus de latitude à l'écriture, et après elle a quand même donné. En fait, elle a pointé souvent un truc pendant tout le processus qu'on a essayé de régler, peut-être au story, à l'animatique, qui était encore présent même au montage, c'est cette histoire de bien, elle avait raison, je pense, comme c'est un film choral, de bien comprendre quel chien est là, quel chien est là, quel chien faisait quoi et où, alors qu'ils se ressemblent tous. Je pense qu'elle a pointé les bons problèmes, pas forcément toujours donner la bonne solution, mais c'est pas forcément, c'est pas elle de trouver la solution. Et c'est quelque chose qui est resté assez longtemps, je pense, dans le processus, et qu'on a au final résolu plutôt au montage, même si on y a tout le temps pensé, mais c'est, sur un film comme ça, c'est hyper dur quand t'es dedans depuis plusieurs années, plusieurs mois, de à un moment de dire là ça fonctionne pas. Il fallait aussi un moment montrer aussi à des gens qui n'avaient rien lu, rien vu, mais des trucs aussi bêtes que d'un chien qui part sur la gauche et sur le plan d'après on a un chien qui arrive par la droite et on pense que c'est le même alors que c'est pas le même espace. Enfin, c'est des trucs aussi bêtes des fois que de raccord, que des fois on a même interverti des courbes pour qu'on soit sûr que les gens ne croient pas que c'est le même chien qui a une ellipse. Enfin, tout ça c'est des trucs hyper délicats et là, là-dessus la blessure a été aussi un feedback important. On va laisser peut-être partir Nicolas parce qu'il faut qu'il y aille et après je vous laisse. On va laisser Marie-Bertrand. Et si vous avez des questions, si possible, l'idée évidemment était là, comme vous l'avez compris, c'est un petit peu juste, hein, toujours. On va pas revenir sur l'idée des commissions, mais plutôt là sur comment, si possible, plus pour Janice et David, puisqu'on a la chance de les avoir ici, même sur leurs deux films. Alors, Janice, c'est un peu plus compliqué, encore une fois. On n'a malheureusement pas vu le film pour la grande partie d'entre vous, mais peut-être voilà, sur ce processus en fait de dossier et de comment écrire. Marc, tu voulais réagir déjà. Mais moi, je voulais juste simplement. C'est très rare que les commentaires qui viennent d'ailleurs, ce n'est pas déjà des questions qu'on se pose. Alors, habituellement, lorsque les questions convergent, il y a des points qui doivent être discutés, qui doivent être réfléchis. Puis je me souviens, dans Mamie, ça revenait souvent le pourquoi, puis à un moment donné, on a travaillé un petit peu autour de ça pour comprendre qu'est-ce qui était à la base. Je ne le dirai pas, là, mais on a dû... Parce que ça faisait trop souvent qu'il y avait trop de monde qui posait la même question. Et là, ça devient une question importante. Il y a d'autres affaires pour lesquelles les lecteurs vont avoir différentes sensibilités, puis il ne faut pas toujours s'accrocher dans toutes les sensibilités. Mais lorsque la question revient, c'est probablement qu'elle doit être adressée par le cinéaste dans l'écriture du film. Alors, est-ce qu'il y a des questions donc, sur Periferia ou par rapport aux auteurs? Donc, oui, vous avez tort, moi j'en ai plein, mais c'est dommage que vous êtes là. Et, chaque fois, je dis ça. Je ne sais plus qui a dit ça. Oui, c'était Flore de Sursuline en disant vous allez faire honte devant les invités. Donc voilà, il n'y a pas de questions par rapport à ça. On peut peut-être venir sur des choses alors, un petit peu plus. Un petit peu délicat encore une fois quand un film on l'a pas vu, on va peut-être commencer par Periferia pour un point de vue purement même technique. C'est la première fois que je vous ai rencontré avec Nicolas, j'ai posé la question en disant mais c'est bizarre parce que Nicolas utilise toujours que la section complètement technique, plutôt de la 3D un peu expérimentale, et je me demandais comment s'était passé finalement le travail avec lui, et finalement il m'a dit qu'une grande partie du film était aussi en image de synthèse, enfin en tout cas passant plutôt par ordinateur et Oui, je pense que dans sa façon de voir les projets et de les apprécier, alors, je ne crois pas qu'il soit arrêté à une seule technique. C'est vrai qu'il brasse beaucoup de techniques, généralement des techniques hybrides, c'était un peu son truc. Donc, moi je sais que quand je suis arrivé avec le projet, a priori, il devait être entièrement animé en 2D. Voilà, c'est-à-dire à l'ancienne, le dessin traditionnel. Et au contraire, les décors, eux, devaient être projetés donc sur une base en trois dimensions, donc qui aurait permis, en tout cas, de un peu plus de rentrer dedans et puis peut-être d'opérer quelques mouvements de caméra. Et puis on s'est vite rendu compte que c'était une gageure totale que d'essayer de faire ces traits chiens-là en animation traditionnelle, puisqu'au final... l'économie du cours est en escalier, hein, ça ne dira pas grand chose. Il fallait trouver déjà des animateurs hors pair et puis garder le modèle du chien est très compliqué en dessin pur. Et puis surtout, on aurait manqué de temps et de budget. Mais alors, déjà que là, c'était pas facile. Donc, ce qui m'a fait tout de suite réagir après deux, trois thèses qui étaient peu pauvres. Et du coup, c'est aussi la force de autour de minuit que d'entendre le fait que j'arrive et que je dise « ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de technique. » Voilà. Et alors, les chiens vont être en 3D maintenant, et les corps vont en 2D. Et de fait, voilà, c'est pour ça que je pense que ce film-là n'aurait pas pu être fait dans n'importe quelle société de production, ne serait-ce que parce que Nicolas, peut se projeter et peut dire d'accord, on change la technique. Et c'est pas rien. Comment on passe de. C'est notre question, mais de folle image prolongée, avec un certain style et peut-être un discours, je sais pas. Et puis d'un seul coup, là, on se dit ok. Ça, c'est le bon producteur. C'est-à-dire d'un seul coup, parce que c'est quand même complexe, on a pas mal de producteurs en France, comment un auteur se dit, okay, là, j'ai un dialogue. Souvent, les producteurs me disent, c'est un dialogue avec l'auteur. Mais vous, en tant qu'auteur, justement, comment on se dit, ok, c'est un producteur, c'est bon, il va me donner de l'argent, je vais être produit, c'est trop bien, mon film va enfin être fait, à plutôt se dire, ouais, mais là, non, il est à côté de la plaque. Moi, je connaissais un petit peu autour de minuit, du moins, je connaissais ses projets. Ce projet, ce film, donc bon, il était déjà un petit peu connu sur la place. Et quand on fait un court métrage, tant qu'à faire, en tout cas, c'est une société qui a mené beaucoup de projets à leur terme. Et donc de fait, c'était déjà un gage de confiance. Et ensuite, c'est par pur intérêt. Parce que, à vrai dire, je me souviens qu'avec Hélène Bessière, du coup, on en parlait aussi, et qu'elle me disait, pour avoir vu moi-même des réalisateurs voir leur projet stoppé par. Parce que la contribution financière faisait défaut. Généralement, voilà, c'est un producteur mettant aucune bille dans les projets, enfin, aucune bille de leur poche. De fait, la force aussi d'Autominuit, c'est de pouvoir aussi passer par les deux programmes si d'aventure la contribution n'est pas acquise. Et pour ça, il faut, alors a priori, si bien compris, il faut produire des films, il faut les mener à leur terme, il faut quand même qu'ils aient tourné. Enfin, bref, c'est une espèce de petite récompense, voilà, petit privilège en tout cas. Et de fait, voilà, je me disais que si jamais la contribution ne passait pas, parce que c'est toujours un peu un coup de poker, mine de rien, je sais pas, quoi. Surtout dans le film d'animation où finalement il y a beaucoup plus de gens du live qui siègent que des gens d'animation. Et voilà, donc moi c'était pour moi aussi le fait de me dire voilà, que le film, même s'il n'avait pas la contribution, pouvait quand même être fait avec moins de budget, sans doute, au moins il pouvait être fait. C'est un film qui est très, aride, non, mais en tout cas, voilà, qui est assez dur, périphérique. C'était quoi la base quand justement t'as eu en tête le pitch à toi-même, en fait, dans ta tête, tu t'es dit, tiens, tu voulais parler plutôt de. Voilà, on en parle, un des émeutes qu'il y a eu à un moment donné, tu voulais parler de ces endroits qu'on néglige un petit peu, c'était ça l'idée même ou ouais, je pense que c'est, encore une fois, c'est au fur et à mesure, c'est une gestation. Je pense que, quand j'écrivais mon premier film, il y a eu un énorme couvre-feu qui a duré 2-3 mois, je crois, qui a mis la France en état d'urgence, c'était les émeutes de banlieue de 2005, d'octobre 2005. Et moi qui m'intéresse à l'homme, à son environnement urbain, dans mon premier film, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi. Pas d'un point de vue social, parce que finalement, je ne voulais pas faire un film foncièrement politique ni social, même si évidemment le sujet s'y prête et le sujet est politique de toute façon. Mais c'était plus d'un point de vue, si on laissait dépérir un bâtiment. Quoi, et le film aurait pu se passer, on va dire, à l'Élysée ou dans un hôpital. Tout lieu anciennement civilisé qui est du coup à l'abandon. Si on peut y mettre des chiens à l'intérieur. En plus, les chiens, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se projeter en eux. Donc, on se projette souvent. Ils ont surtout des sortes de petites connivences humaines. Et c'est pour ça qu'on a aussi des fois fait le procès du fait que. Je pensais que je traitais un peu les entités comme des chiens. Voilà. Mais voilà, donc non, c'était vraiment l'envie de faire la fin de vie d'un grand ensemble de banlieue. Au bout d'un moment, ça en arrivait à ça, parce que moi, je pensais le traiter de la même façon que Londé. C'était de rentrer dans un ensemble de banlieue qui était encore habité, et puis pareil, d'observer, comme, comment on produit les films. Et puis on s'est rendu compte aussi que c'est un sujet assez sensible et qu'il y a aussi un petit problème de légitimité. Moi, je n'ai jamais vécu en banlieue. Et alors, le regard extérieur est aussi important sans doute que celui qui vit à l'intérieur, je pense. Et la vérité doit sûrement se situer entre les deux, d'ailleurs. Mais par contre, au bout d'un moment, on s'est décidé à garder que les murs et à enlever les humains, puisqu'au final, les murs parlaient pour eux, en tout cas, je fais souvent référence à Pompéi, mais au final, on retourne sur des vestiges de civilisation, et parmi les contes, on voit comment les gens ont pu vivre ici, ou du moins, on peut estimer comment ils ont pu vivre ici. Et juste, avant de laisser la parole, la mémoire des gens, cette idée de bruit qu'on entend, évidemment, c'est venu de toi, Christophe Héral, qui a fait la musique, qui a fait le concepteur aussi du son. Comment s'est passée cette idée de, justement, on enlève les humains, mais on emplit quand même ces lieux de cette présence qui a eu à un moment donné. Ça, c'était pour donner encore plus de corps aux chiens, en fait. Alors, ça peut aussi brouiller les pistes, mais c'était pour faire en sorte que... c'est des chiens errants, mais au final, c'est pas foncièrement une race qu'on retrouve dans des chiens errants, c'est des lévriers de race, donc assez graciles, assez fragiles. Bon, les bouffées sonores et toutes les réminiscences apparaissent déjà, elles sont déjà présentes, et du coup, c'est ce qui fait que ces chiens, si on veut vraiment rentrer dans le cœur du film, c'est ces chiens, c'est un peu la métaphore des... les souvenirs des habitants disparus, enfin des habitants qui ont vécu là. Ouais. Et du coup, alors, c'est vrai qu'à leur passage, selon certains lieux, ils perçoivent des moments de vie passés. Voilà. Mais par contre, ça s'est décidé bien avant même le bruitage. C'était déjà très, très précis dans le scénario. Ouais. La question, c'était par rapport à la relation entre le scénariste, le co-scénariste et le graphiste, le réalisateur, parce que j'avais fait un projet où j'avais beaucoup écrit et je me suis posé beaucoup la question, en fait, comment on pouvait, quand on veut beaucoup parler par l'image, comment est-ce que par le scénario et des mots, on peut, comment dire, penser au rythme et comment est-ce qu'on va parler avec ces images alors que finalement c'est des mots. J'ai vu Arnaud Demac qui disait que c'est le scénario, on l'utilise aussi beaucoup comme support pour communiquer. Mais est-ce que pour Periferia, ça a aussi été un support de création pour avoir une vision du film, en fait? Quoi donc qui a été un support de... Le scénario. Est-ce que tu... Oui, non, mais si, parce que pour ma part, les mots sont aussi forts, sinon plus que les images, parce que sont dans les... Les images, on en avait quand même passablement à brevet, donc je pense que voilà, c'est important qu'elles soient là. Mais moi, pour ma part, en tout cas dans le dossier du CNC, que je t'invite à aller voir d'ailleurs sur le site du CNC, pour le coup il y est en entier, au final, c'est vraiment des images qui illustrent la note d'intention, qui illustrent le scénario. Donc il y a vraiment... Non, je pense qu'on peut faire passer beaucoup plus de choses par l'écriture. Alors, voilà, que par quelques images, je pense que... Enfin, du moins, c'est un équilibre à trouver, mais moi, par l'écriture, on peut qu'on sache trouver les mots, on peut vraiment exprimer très, très précisément ce qui va se passer dans la scène, d'autant plus que sinon, en fait, il faudrait faire tout le film, et au storyboard, il faudrait tout animer pour être sûr. Moi, je sais que on a eu beaucoup de... Il y a eu des hauts débats avec mon producteur, du coup, là, donc... moi je vais faire un film un peu documentaire d'animation, donc de fait idéalement poser mon trépied et la caméra et puis laisser les chiens vaquer. Ce que je cadrais, c'était la cité, c'est le but, que les chiens soient porcades ou coupés, c'est partie du jeu du documentaire. Et de fait, quand je suis arrivé avec un scénario et qu'il a fallu monter l'animatique, donc le scénario d'un coup de scénario pour avoir une première idée du film et du risque, il y a des images, même si je les avais beaucoup travaillé, qui du coup duraient environ 5-6 secondes. Je pouvais pas non plus laisser une image fixe pendant 40 secondes, voilà, ou même en trois plans, même en trois images clés, tout le monde serait fait chier. Bon. Et du coup, par contre, voilà, quand j'arrivais avec le plan final, au lieu d'une dizaine de secondes, il faisait 1000 frames, il faisait 40 secondes. Donc voilà, c'est pour ça que le producteur, voilà, il reste 3 semaines d'anime, mais on n'a pas fait la moitié du film. Voilà. Juste, Marc, puisque c'est dommage, j'allais se devoir partir pour un entretien, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui est des fois complexe par rapport à ce que la question, évidemment, est très importante du scénario, des mots sur des gens qui sont souvent sur du visuel, qui ont tout en tête, ou en tout cas beaucoup de choses en tête visuellement, et qui même dans le storyboard, c'est compliqué, parce que souvent, en effet, de passer d'un scénario, on sait bien que les deux nourrissent l'un l'autre, c'est-à-dire le scénario va nourrir le storyboard nourrit le scénario, et on va des deux côtés. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous insistez, vous, notamment à l'ONF ? Chez nous c'est toujours l'animateur et le cinéaste et le créateur et l'auteur. Donc, c'est vraiment toujours autour de l'animateur qu'on construit le projet. Alors, on va chercher des ressources après. Bon, des fois, elles viennent avec, mais pour nous, l'histoire, elle naît de l'animateur. Et ensuite de ça, en support, il y a un scénariste qui arrive, il y a une scénariste qui vient en support. Et pour nous, c'est plus intéressant parce que le projet est porté visuellement et narrativement par l'auteur qui est au centre de son projet. Et c'est vraiment... Donc si je reçois des scénarios seulement, je les retourne. Parce que moi, je ne lis pas de scénario, je lis des projets qui sont portés par un cinéaste qui a en lui le visuel de son film. Alors, et on ne commande pas de scénario, on n'en lit pratiquement pas. Bon, quand ils arrivent, mais si on m'envoie un livre déjà fait, puis on fait « Oh, ça ferait une belle adaptation », c'est pas intéressant pour moi. Notre studio, ça se fait toujours autour des cinéastes et des créateurs. Et quand Janice vient me voir avec un projet aussi personnel que Mamie, est-ce qu'il y a une grande discussion? Moi, c'est quelque chose, quand j'ai vu le film, de se dire, est-ce que tu es prêt à parler de cette histoire devant tout le monde? Enfin, c'est un film sur une grand-mère, encore une fois, je vous répète, qui n'aime pas, en tout cas qui ne prend pas suffisamment attention, faire attention à ses petits-enfants, ce qui en effet est toujours assez surprenant. On a l'impression que les grands-parents doivent toujours aimer, évidemment, leurs petits-enfants. Et donc, d'un seul coup, c'est une discussion sur les mots. Est-ce qu'elle arrive... Bon, Janice, c'est un peu particulier. Elle n'avait pas fini encore Nul poisson ou aller, qu'elle co-réalisait. Et elle a commencé à travailler sur cette idée qu'elle avait de Mamie. Elle m'en a même pas parlé. Elle a eu des sous, justement, de cours, écrire ton cours. Elle s'est fait aider d'un scénariste. Et je dois avouer que lorsqu'elle m'a montré sa première proposition et ensuite de ça, la proposition enrichie par le scénariste, on a dû tout enlever, ce qui avait été finalement enrichi par le scénariste, parce que c'était un scénariste de fiction qui voulait mettre une belle histoire et il fallait tout ficeler, tout expliquer. Puis en animation, il y a des images qui vaut mille mots, là, c'est un cliché, mais il y a des images qui parlent, qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Et on est revenu un petit peu à son histoire de base. Elle a gardé juste les quelques bonne chose qu'elle avait reçue du scénariste. Puis ensuite de ça, là, elle a commencé à travailler justement avec un consultant. Et c'est beaucoup plus autour du storyboard que l'histoire s'est réécrite. Et que là, on a vu qu'il manquait des petits points. Et là, le travail de scénario est devenu beaucoup plus intéressant parce qu'il y avait la vraie matière et l'essence justement de... Cette grand-mère, elle est acariâtre, mais elle n'est pas méchante. Et il fallait toujours... Puis c'est sa grand-mère, donc elle ne voulait pas juste en dire du mal. Elle voulait juste... Et ce qu'elle n'a pas dit, Janice, tantôt, c'est qu'elle a eu un enfant. Et c'est là que l'histoire est arrivée. Puis elle a fait, ma mère adore mon enfant. Et elle le cajole et elle joue le rôle de grand-mère. Et moi, j'ai pas eu ça. Comment se fait-il? Et la question est née justement du fait qu'elle est devenue mère, de son rapport avec sa grand-mère. Et là, c'est pas un jugement, c'est une question. Pourquoi c'était comme ça? Et le film ne résout pas nécessairement cette question-là. Il fait juste apporter des espèces d'éclairage sur « Ah, c'était comme ça, elle n'était pas très différente avec ses autres petits-enfants. » Et tranquillement, il fait juste raconter l'histoire de cette constatation-là sans porter de jugement. Et à un moment donné, à la fin du film, c'est comme si on pouvait se dire « Ben, il y a des grands-mères qui n'aiment pas leurs petits-enfants. » Point à la ligne. Est-ce que, tu sais, on peut faire un débat pour ou contre, là, mais c'est pas ça l'idée. C'était comme ça, et je me pose la question maintenant que moi, ma mère est devenue grand-mère. C'est ce que j'ai interviewé Janice. Alors, pour l'instant, en effet, je comprenais la grand-mère, en fait. Et ça me paraissait étrange de l'interroger là-dessus, puisqu'en effet, elle se posait la question. Et c'est quand même un peu étrange de se dire, mais après tout, cette femme... Alors, je vis sa vie à un moment donné, et puis bon, ben voilà, elle n'inclut pas, on va dire, ses petits-enfants dedans, et je trouvais que, justement, le film n'obligeait pas à se dire, mais c'est scandaleux, son rapport, finalement. Ouais. C'est intéressant de voir ça. David, tu voulais réagir? Non, je voulais juste réagir par rapport au fait que à vrai dire, je pense vraiment que le plus important, c'est quand même le scénario. Donc, de fait, à vrai dire, parce que, en fait, sinon, ça revient toujours à faire de l'animation un genre, et à vrai dire, c'est une technique. C'est pour ma part, et on fait des films. Je fais pas un film. Moi, a priori, je fais pas de film d'animation. Je fais des films ou pas de films. Et de fait, les images sont. C'est très bien pour porter le projet. Du coup, c'est ça l'avantage de l'animation, c'est de pouvoir faire des dossiers et y mettre des images qui sont déjà assez carrées, assez proches du projet. David, j'ai une question. Est-ce que le scénario doit être quelque chose qui est écrit? Je pense que c'est un peu ça la question. Est-ce qu'un scénario est nécessairement écrit avec des mots? Oui, bah, soit par des mots, soit par des images de storyboard, mais en tout cas, j'attaque un projet toujours de façon visuelle, par des envies graphiques, évidemment aussi, mais aussi par des envies musicales, beaucoup. C'est généralement pendant qu'on écoute une certaine musique qu'on peut se figurer quelques scènes et puis du coup les coucher sur le papier. Mais par contre, il y a vraiment un moment où c'est bien de mettre tout ça de côté, c'est mon avis, pour ensuite vraiment se concentrer sur l'écriture, sur la narration. Moi, à la limite, ça m'intéresse moins la beauté plastique d'un projet que vraiment que la narration, que le jeu d'acteur, je pense, alors c'est toujours un équilibre, mais je pense être, j'aime beaucoup qu'il y ait du fond aussi. Et je trouve, personnellement, que des fois il en manque un petit peu dans les films d'animation, et qui fait que ça les rapproche plus d'un genre avec des raccourcis, où on ne va pas forcément à fond dans les sentiments, où tout est un poil plus caricatural. Et c'est dommage. Les scénaristes, ils ne sont pas dans la salle a priori. Vous dites si vous êtes dans la salle, ils ont fait une fête et jusqu'à 2h du matin. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais en tout cas, voilà, je suis un petit peu embêté parce qu'on devait commencer. C'est très bien, ça nous permet d'aider sur autre chose. Et moi qui me plaignais un petit peu du temps, mais voilà. Donc, si certains venaient spécialement pour l'écriture en série, je suis un petit peu inquiet parce qu'il est déjà 11h et que je ne les vois pas venir. Donc, voilà, je suis désolé, voilà, il y en a déjà deux. Donc il y a des qui partent, donc désolé pour ceux qui viennent pour les guides, des scénaristes. A priori, je ne sais pas s'ils vont venir ou pas. À un moment donné, on va voir. Donc, c'est ça, on est sur quelque chose d'assez passionnant justement sur. Alors, il y a plein de choses qui sont mises en place, c'est l'écriture. Est-ce que c'était Marc-Bertrand qui était parti sur. Qui était parti s'ils arrivent. Comme quoi la fête a duré, mais c'est bon. On va finir quand même au moins cette partie-là parce qu'évidemment elle est importante. C'était tout à l'heure, Aleph va venir et le Normand, et on va parler d'écriture. C'est quelque chose qui a été lancé à un moment donné. C'est quoi l'écriture finalement d'un film d'animation? Est-ce que c'est un storyboard? Est-ce que c'est justement des mots? Maura, toi, est-ce que c'est naïf de se dire si un dossier suffisamment fort et arrive sans scénario mot, mais avec des mots de storyboard, avec, comme disait David, plein d'intentions musicales, ou dire, ben voilà, je vais faire, il y a cette musique-là, enfin j'imagine un film de George Trouble qu'on a pu voir, et dire, ben, je vais partir là-dessus, etc. Est-ce que ça peut passer? Est-ce que, d'un seul coup, une commission peut se dire, oh ouais, non, là, on a quelque chose de très fort quand même? Non, mais effectivement, tout est dans la définition, dans les mots, c'est-à-dire que ce qu'on entend par scénario, au sens strict d'une continuité découpée, dialoguée, linéaire, effectivement, c'est pas toujours adapté à des propositions visuelles d'animation ou d'autres formes d'expression, hein, de cinéma. Donc, effectivement, je pense qu'il faut l'entendre au sens plus large, de dire qu'est-ce qu'on peut proposer sur plan, je reviens au monde allégorie et immobilière, à un lecteur qui s'imagine ce que peut être le film, tout en ayant conscience que tout ne se résume pas et tout n'est pas arrêté au stade du plan et du projet. Donc un scénario, effectivement, définition au sens large, et effectivement, tout ne se traduit pas par des mots, par des textes. Ça peut effectivement être de l'illustration sonore, musicale, enfin, finalement tout élément, vraiment de tous ordres, qui peut aider le lecteur à s'imaginer ce que va être le film à l'écran. Donc, je crois que c'est la définition au sens large que doit être celui du scénario. Ce qu'a dit David, ce que j'ai voulu laisser répondre une fois tous ensemble, et puis ben, malheureusement, on va devoir arrêter, hein, c'est toujours compliqué encore une fois. Mais c'est un peu la base de l'idée de ces rencontres autour de la scénarité, c'est en effet ce manque des fois de sens, ou en tout cas, voilà, de se dire, on a l'impression que des fois les films d'animation se basent un peu trop sur l'esthétique uniquement. C'est joli, c'est beau, comme on disait, c'est pas beau, enfin voilà, en tout cas, il y a quelque chose graphiquement qui. Et puis qu'est-ce qu'on a envie de dire quand même derrière, à un moment donné, que ça soit complètement expérimental, bien sûr, abstrait, ou très narratif, est-ce que ça c'est quelque chose quand même que toi, parce que tu le disais un peu au début, que c'est pour ça que tu avais mis en place le scénario texte, c'est quand même oui, ce manque de. Oui, on peut reprocher aux autres, également aux autres genres, hein, aux autres techniques, c'est-à-dire que des exercices de style purement formels, visuels, de direction d'acteur, ou effectivement des choses anecdotiques, où on ne cherche pas effectivement un sens profond, ou exprimer quelque chose de l'ordre vrai, de trop beau, mais qu'on est simplement dans le plaisir de raconter quelque chose voilà, qui va peut-être pas forcément rester, et qui est de façon très sérieux, qui engage beaucoup de choses, soit de l'intime, soit du personnel, soit d'autres dimensions du récit. Mais enfin, toutes ces formes d'expression de film existent dans tous les secteurs. Encore une fois, on ne parlait pas forcément de sérieux, c'est juste avoir une envie derrière qui est ouais. Voilà, qui est concrète quelque part dans sa tête, et de dire j'ai envie de transmettre ça. Ouais. Bah, juste, comme disait d'ailleurs David, des fois j'ai des images, puis il disait bah, une image, plus enfin, une séquence, et des fois c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vient et qui dise bah ouais, mais. Fais ça comme ça et comme ça, bah finalement, ça va avoir encore finalement plus de force. Effectivement, alors c'est toute la vertu effectivement là du travail collaboratif et de d'avoir assez confiance en soi et en son projet pour se dire j'ai envie d'ouvrir mon projet à d'autres collaborateurs qui ont des compétences qui compléteront les miennes et qui pourront me nourrir de leur voilà de leur savoir, de leur expérience, de leur sensibilité. Et que ce soit effectivement un compositeur de musique, un musicien ou un scénariste comme Patricia, qui en plus est historienne, donc elle a effectivement, c'est quelqu'un de formidable, hein, donc c'était un très très bon choix de collaborer avec elle, et donc je fais sa publicité. Ou voilà d'autres formes de collaborateurs qui peuvent apporter quelque chose au film et qui vraiment effectivement, où on se dit l'auteur. Unique et omniscient, ça y est, commence à exister rarement. Donc, Marc, aussi par rapport à Benef, qui est un enfant, qui est vraiment producteur très fort et qui pose une patte aussi dans le monde de l'animation, il y a ça, cette recherche quand même de sens. Tu disais, il faut que les images, etc., mais quand même, ça peut transmettre par rapport au. Oui, mais ce que je voulais dire par rapport à la scénarisation, c'est qu'il y a. Toutes sortes, bien entendu, il y a le médium qui est l'animation, mais il y a toutes sortes de formes. Et bon, il y a l'expérimental, il y a le non-narratif, figuratif, tout ça. Et moi, je pense que malheureusement, il y a certaines de ces formes-là qui se prêtent très mal, justement, au format de présentation qui est déposer un dossier qui est du papier et des images et des mots. Et quelquefois, ça m'est arrivé, là, une phrase, trois images, et après ça, la rencontre. Et là, on fait le projet. Mais, et là, tu fais, il est où le scénario? Ben, il est en trois images, puis une phrase, mais il est surtout avec la rencontre. Et malheureusement, les commissions ne sont pas faites pour cette petite partie de... Ça ne s'appelle pas un scénario, ça ne s'appelle pas un film expérimental, ça s'appelle une rencontre et quelque chose qui doit se faire parce que c'était déjà complet en une phrase et trois images et le créateur qui est au centre et qui l'échange ne peut se faire que par deux personnes qui commencent une conversation et qui croient dans ce qui doit être fait. Oui, non, c'est pour ça qu'il existe, qu'on a mis en place il y a 15 ans nos programmes d'entreprise pour justement donner du crédit, la possibilité à un producteur d'avoir une relation directe avec un auteur. Et effectivement, si on n'a pas pu passer le filtre d'une commission sélective avec ses avantages et ses inconvénients, on est dans une relation directe et humaine et physique, entre guillemets, qui permet effectivement de passer le contact de l'écrit. Donc voilà. Allez, dernier petit mot juste, David, est-ce que ça t'arrive de te présenter uniquement en tant que, on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, juste tu dis réalisateur, et tu dis surtout pas non mais pas le mot animation, je suis réalisateur. Ah non, ouais, je sais plus ce que je dis, on va dire, parce que bon, entre deux films quand même, entre mes deux films il s'est passé 7 ans, donc j'ai pas forcément, j'ai réalisé quelques petits trucs, mais non, en tout cas, ce que j'aimerais beaucoup, c'est surtout être considéré comme un réalisateur, avant d'être un réalisateur de films d'animation, un réalisateur tout court. J'aimerais que ce soit. Je suppose que c'est ce à quoi tout le monde aspire, de toute façon. Ouais. Voilà. Ok, merci beaucoup à vous trois pour 5 minutes. Voilà. Et bien, si vous voulez, je vais demander.